discret. Viens donner l'assaut pour une nouvelle ascension. Armé d'un sale son, lyrics dangereux qui te procurent une brutale sensation. Tout le monde est prévenu à l'horizon. Fous le feu, fais brandir notre blason. Discret sans renfort, viens encercler la zone, viens saturer les sons, viens foutre le boxon, installer un climat de tension. On n'a qu'un seul mot d'ordre, tout défoncer, moi et ma horde. Et de ton coup, on vient serrer la corde. Un truc de fou à te couper le souffle. On attend surtout pas que les portes s'ouvrent, on les défonce toutes. Les détracteurs, on fait en sorte de les mettre dans le doute. Qu'ils se remettent tous en question. On fait notre apparition et on extorque la rançon. Attention, gros, c'est dangereux dans le secteur. C'est terre brûlée, mec, trop tard pour sortir les extincteurs. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Comprends bien que cette rafale est en provenance du nord. On se charge de venir et de mener le score avec ce rap qui perd fort. Tout en restant pervers dans ce domaine. Pour discret toute l'équipe, faut qu'on tienne tête. Sur ce son, j'en ai trop à dire que j'en ai plein la tête. L'heure est venue, faut que ça marque et que ça fasse taire. Je défonce tout dans ce milieu, on renvoie du comme un haine. Tempête, je danse mieux, donc je mets mes poches pleines. Faut que tu comprennes, je te fais l'endroit où je traîne. Le nom de mon groupe discret, je vais faire brandir notre blason. Pour lequel je ferai l'effort, rapper comme un homme. Faire ma troupe, moi le pêche. Chaque sang, je reste free. Je reste zéro caisse, mon emblème. Et quand pas plus dangereux, vu l'enjeu. Et d'annoncer que discret, vieux foutre le feu. Annonce-le, c'est notre première et pas la dernière. Annonce-le, qu'il est temps de sortir les armes à feu. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Annonce un son dangereux, fais brandir notre blason. Discret dans le secteur pour les têtes d'enterrement. Ici y'a rien de banal, des gaines de marginal. On crache sur le code pénal. Annonce une balle vocale qui va péter les tympans. Le son résonne fort dans les halls. Du sous-sol jusqu'au geôle pour le monopole. De la zone discret, viens faire chier sans excès. C'est pour les gars sous écrou et pour mes hommes de l'ombre. Annonce, annonce que discret amorce une bombe à retardement. Fous le feu dans le secteur et avertis que c'est fumant. Discret dans le secteur, c'est pour les têtes d'enterrement. Innove, innove, un son lourd qui s'impose comme un gros châtiment. Le sale impact de mes mots, pas comme te cribler de balles. Du 1-5 on débarque, prépare ton gilet pare-balles. Si tu plaides pour la zone, on vient saturer les ondes. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Annonce qu'un son de discret résonne. On vient cramer la zone, saturer les zones. Fous le feu, fais brandir notre blason. On vient cramer la zone, discret dans le secteur, sans renforcer le danger. Fous le feu, fais brandir notre blason. Fais brandir notre blason.